Marcel s'était promis depuis longtemps que ce dernier jour serait une fête mémorable, que ses copains viendraient lui souhaiter une bonne route et une bonne retraite au moment du coup de sifflet de son ultime départ. Drôle de fête. Jamais il ne s'était senti aussi seul, aussi anonyme. Dans ce rude métier, nul ne pourra jamais se vanter d'avoir vécu tous ses rêves et la dure réalité, jour après jour, sans complaisance, remet en place bien des idées reçues. Pas même la présence du compagnon, l'aide-conducteur, que l'inéluctable progrès a supprimé depuis des lustres pour mettre à sa place un système si bien nommé, l'homme mort. En fait, la veille automatique. Les copains n'ont pas pu venir à Paris, pris par leur propre contingence, et l'heure d'arrivée qui ne s'y prêtait guère. Marcel est seul. Sitôt rendu, la clé de la chambrette, et après un bref « salut les gars », au sous-chef parisien indifférent, et qui d'ailleurs ignore certainement que c'est son ultime retour, il sait que son dernier train est déjà en marche. Alors, il refait à pied le long chemin à l'envers qui le conduit en gare de Lyon, tout illuminé de mille feux scintillants. Son grand cartable noir lui paraît plus lourd. À pas lents, vers la tête du train, il s'intéresse à tout ce chahut qui l'entoure, comme pour mieux s'imprégner des bruits particuliers et des mouvements qui précèdent un départ dans les grandes gares. Aux gens pressés qui courent, surchargés de bagages, encombrant les quais par leurs hésitations. Aux voyageurs qui s'interpellent, sans attendre les réponses, sous les annonces continuelles des micro-nasillards. Aux chariots abandonnés en travers, et à tout ce remue-ménage qui contraste avec sa solitude. Marcel s'imbibe une dernière fois de cette ambiance fébrile, caractéristique, mais quotidienne. L'envie le prendrait presque d'arrêter ces inconnus et de leur dire naïvement « Je suis votre mécano, c'est mon dernier train. Je prends ma retraite à 2 heures du matin. En arrivant... » Mais qui l'écouterait? Qui pourrait comprendre le doute et le désarroi de cet inconnu, perdu dans la fourmilière d'un quai de gare, au milieu d'une ruche, davantage préoccupé de s'installer confortablement que de s'intéresser aux états d'âme d'un gros nigaud.